vendredi 17 janvier 2014. Vous écoutez La Vie en BD. Vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Et évidemment, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici en onde pour parler de bandes dessinées, pour parler du 9e art. Et ben, plusieurs regards qui seront portés, et notamment, on est un peu dans la continuité de la semaine dernière où on vous partageait moult coups de cœur autour des sorties BD de l'année dernière. Eh bien, on fait un petit ajout. Alors, j'aurai le plaisir notamment de partager mes coups de cœur sélection purement québécoise. Et également, notre collaborateur Stéphane Gravel partagera ses coups de cœur également. Donc, ce sera au centre de l'émission. Et si jamais vous n'avez pas eu l'occasion, d'ailleurs, de voir, d'entendre les autres coups de cœur, ceux de nos collaborateurs invités et de collaborateurs réguliers de l'émission qu'on a présenté la semaine dernière, eh bien, c'est possible, évidemment, de retrouver les émissions en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Sinon, côté regard sur la BD, eh ben on va parler dans quelques instants, en fait, du studio Lunac qui se lance dans l'édition. On avait parlé un peu l'année dernière avec l'équipe du studio autour de leur plateforme web BD, donc kimik.com. Et on nous avait dit, ben regardez, il y aura d'autres projets peut-être aussi vers l'édition papier. Eh ben ça a été lancé l'automne dernier. Premier album, l'abominable Charles Christopher de Carl Kerschel. Et ben on va parler un peu justement avec Gauthier Langevin du studio pour voir un peu de quoi retourne cette nouvelle maison d'édition, ce nouveau joueur sur le marché d'édition au Québec, et également pour parler du premier titre également qu'ils ont choisi de lancer. Sinon, on va parler aussi de distribution, mais de manière peut-être un peu plus large, pas seulement de BD, mais de fanzines, de musique et d'autres outils. Si vous êtes du côté de Montréal, vous avez peut-être vu ou entendu parler, mais en fait, j'imagine que vous avez entendu parler, puisque ça existe depuis 2011, des machines Distroboto. Ils ont vendu à peu près 70 000 objets, articles d'art qui coûtent 2$, en fait des anciennes machines à cigarettes qui ont été recyclées. Il y en a deux qui sont arrivés à Québec l'automne dernier. On voulait vous en parler, on va prendre le temps cette semaine de le faire avec l'un des idéateurs du projet, Louis Rastelli. Alors en fin d'émission, on va porter un regard sur ce nouveau mode de distribution de l'art qui a été mis en place à Montréal et qui maintenant s'étend vers Québec. Alors voilà pour le menu de l'émission d'aujourd'hui. Sinon, dans l'actualité, avant d'aller en musique, je vous mentionne au passage que les 25 auteurs en lice pour le Grand Prix d'Angoulême ont été sélectionnés. Alors, on parle de Binet, de Christophe Blain, de Charles Burns, de Pierre Christin, de Daniel Claus, Richard Carben, Bernard Cossé, Étienne Davodeau, Nicolas de Crécy, Edika, Emmanuel Guibert, Herman, Alejandro Jorodowski, Manu Larsonnet, Milo Manara, Lorenzo Mattotti, Alan Moore, Katsuhiro Otomo, Kino, Marjane Satrapi, Johan Sfar, Jiro Taniguchi, Jean Van Am, Chris Ware et Bill Watterson. On parle également des règles du vote qui ont été changées après la controverse de l'année dernière qui avait suivi en fait un autre changement. Alors cette fois-ci, on nous dit, regardez, les professionnels du milieu de la BD voteront, ça comptera pour 50%. Les gens de l'Académie des Grands Prix, donc ceux qui, dans le passé, ont remporté le Grand Prix d'Angoulême, voteront eux aussi, ça comptera pour l'autre 50%. Il y aura donc un premier tour qui amènera de la liste à passer de 25 noms à 3, et ensuite un second tour qui amènera la liste à passer de 3 à 1. Le 1 sera annoncé le dimanche soir du Festival d'Angoulême. Évidemment, ça a amené aussi son lot de controverses. L'an dernier, c'était les professionnels qui s'étaient élevés contre la manière de voter. Cette fois-ci, c'est l'Académie des Grands Prix qui dénonce le fait de ne pas avoir été consulté, qui a l'impression d'être peut-être un peu minimisé dans son rôle, dans son action, qui disent, ben regardez, si c'est comme ça, ben peut-être que nous, on choisira simplement de ne pas voter. Alors, il y en a 16 sur 33 Grands Prix qui ont dit, ben regardez, nous, on votera pas. On verra qu'est-ce qui va se passer, mais Angoulême, autour du Grand Prix, qui reste dans la controverse, malgré ses efforts cette année d'en sortir. Alors, voilà pour ce clin d'œil en musique pour cette semaine, la formation Knife City. Et toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous trouver sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Et on le mentionnait dans l'ouverture, donc nouveau joueur qui est arrivé l'automne dernier dans le marché de l'édition au Québec et au-delà, qui se rajoute à d'autres joueurs qui se sont aussi ajoutés au fil de l'automne. Alors vraiment une belle ébullition qu'on voit dans le marché BD. Et pour nous présenter un peu le studio Lunac, donc qui est ce nouveau joueur, pour nous présenter également le premier album qu'ils ont lancé l'automne dernier, pour lancer également ce volet de leur travail, puisqu'on les avait déjà connus avec Kimik.com, entre autres. Alors, l'album qui s'appelle L'Abominable Charles Christopher. Et bien, on est en compagnie du vice-président du studio Lunac, Gauthier Langevin. Bonjour. Salut Raymond. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Et en fait, je te le demande doublement parce que, bon, l'album est sorti déjà l'automne dernier. Et j'ai l'impression que, à tout le moins, la réception critique à la traduction, à l'album est quand même assez positive là, jusqu'à présent. Oui, on a été même un peu surpris de la réponse positive assez colossale qu'on a reçue depuis le lancement du livre. Là. Ça commence très bien, disons, l'année de production là, pour nous. On a eu des critiques dans la presse, dans Le Devoir, même dans le magazine Séjour, là, qui c'est parfois assez étonnant. On s'attendait pas à avoir un écho jusque dans des magazines un peu plus populaires. Là, donc c'est très réjouissant. Et il faut dire, j'ai l'impression qu'on se lance un peu, en fait, de votre côté, qu'on a choisi de se lancer un peu avec une valeur sûre, dans la mesure où l'abominable Charles Christopher, dans la version webcomic de Carl Kerschel, ça a reçu des prix Eisner, prix Joe Shuster, ça a été très lu, très apprécié, donc on allait avec un choix qui était un peu garant d'une qualité dès le départ, là. Ben, c'est sûr que on aurait été, ça s'est présenté à nous, donc on aurait été un peu naïf de pas saisir l'opportunité alors qu'elle se présentait à nous. Puis mais Carl, en fait, on a toujours au studio, on a toujours travaillé avec lui depuis à peu près 3-4 ans. Mm-hmm. Donc on a assisté à la naissance du webcomic dans sa version originale et puis on l'a suivi depuis ce temps-là pour son quand il a gagné le prix Eisner, quand il a gagné les Shuster Award au Canada anglais. Donc pour nous, dès qu'on a eu l'idée de se lancer en édition, ça s'est fait tout naturellement d'y aller avec une version française du livre de Carl. Et l'idée, justement, j'ai l'impression, en fait, je mentionnais en ouverture d'émission, quand on a lancé Kimik.com, quand on en a parlé, tu m'avais dit, peut-être qu'on va aller aussi vers une extension papier. C'est un peu l'extension, dans le fond, qui est arrivée l'automne dernier. Ouais, exactement. Il y a plusieurs choses qui sont arrivées l'automne dernier qui nous ont permis de commencer à faire de l'édition papier. Donc, parce que nous au studio, faut savoir que c'est pas notre économie principale, c'est pas l'édition de livres. Donc, on fait beaucoup de création de vidéos d'animation, de produits dérivés. On fait aussi des adaptations de jeux vidéo en bande dessinée pour Ubisoft. Donc ça nous permet, si tu veux, de mettre du pain sur la table pour tout le monde, puis de survivre. Puis à côté, ben ça nous permet aussi de faire des projets un peu plus risqués comme l'édition de bande dessinée pour nous, là, donc pas du total buyout pour des compagnies. Là. Et qu'est-ce qui fait dans l'écosystème que les As se sont alignés pour l'automne 2014? C'était principalement justement le financement qui est arrivé et puis aussi les projets d'édition qui ont été aboutis. Et puis en plus de ça, on a eu un partenariat avec la boîte de diffusion, qui est un distributeur qui s'est spécialisé dans la bande dessinée, là, qui est anciennement RP, qui a été repris par ses employés. Donc pour nous, ça a été une bonne nouvelle, ça aussi, là, de se joindre à l'équipe de la boîte de diffusion qui ont vraiment une expertise dans la distribution de bande dessinée. Oui, parce qu'en fait, c'est bien beau d'éditer l'album, mais encore faut-il pouvoir le distribuer, encore faut-il qu'il se retrouve dans les librairies un peu partout dans la province. Oui, c'est le nerf de la guerre. Puis nous, on voulait commencer directement avec une grande diffusion pour le plus vite possible commencer à faire du démarchage pour la distribution en Europe aussi. Donc, pour nous, c'est comme une étape nécessaire, en fait, là, pour continuer à développer la boîte. Là. Et Et Gauthier Langevin, quand on regarde un peu l'écosystème de l'édition, c'est, si on se limite au Québec, évidemment, si on rajoute l'Europe, il y a des masses d'éditeurs qui s'ajoutent. Mais au Québec, il y a quand même quelques éditeurs indépendants, quelques éditeurs un peu plus gros aussi qui sont présents, des éditeurs européens. Est-ce que on envisage que ce sera un bon défi de réussir à faire sa place dans cet écosystème-là pour un nouveau joueur? C'est sûr que c'est pas facile. C'est pas la chose la plus facile à faire compte tenu, comme tu le disais, de la compétition qu'il y a en Europe. Là, c'est la culture de la bande dessinée est beaucoup plus développée là-bas qu'ici. Toutefois, je pense qu'on a un avantage au Québec de par notre proximité du marché américain. On peut on travaille de manière plus facile. Disons, on travaille plus facilement avec des autres avec les auteurs américains pour pouvoir les traduire en français par après. On sait ce qui sort plus rapidement. Nous, au studio, on travaille déjà avec avec des gens, avec des auteurs de bande dessinée américains et des auteurs de bande dessinée français. Donc, ça fait en sorte qu'on a un produit un peu hybride, à mi-chemin, même avec avec des avec la bande dessinée même japonaise. Parfois, on peut voir dans le dans la Bunyan, Charles Christopher, qu'il y a certaines petites influences manga même parfois. Là. Donc c'est un peu dans le style, dans le type d'album qu'on va essayer de se démarquer un peu dans dans cette ligne éditoriale là dans le fond qui va permettre au Suzunak d'affirmer son identité dans l'écosystème d'édition. C'est ça. C'est ça, c'est très mixte là. Même les prochains projets qu'on prévoit publier sont pas proprement dit québécois ou franco-belge ou comic book, c'est très très très mixte là, comme je pense au webcomic Dominique de Yann Mongrain qui va être publié quelque part en été. C'est vraiment lui c'est quelqu'un qui vient de l'industrie du jeu vidéo qui a énormément d'influence. On peut penser à des auteurs comme Nicolas Décrécy en voyant son travail, mais c'est aussi un peu manga en même temps. Donc c'est la singularité du catalogue qu'on veut développer. Et j'ai l'impression, à ce titre-là, en fait, je pense que le terme singulier s'applique bien à l'abominable Charles Christopher, et j'imagine que c'est un peu aussi dans cet esprit-là, je me disais, si on s'en va vers cette ligne-là, c'est un bon coup de lancement, un titre qui est quand même assez particulier, un peu entre récit pour enfants, récit pour adultes, un personnage muet central à tout ça, donc c'est quand même, je laisserais peut-être présenter un peu l'univers de l'album de Carl Kerschel pour justement permettre aux auditeurs de se faire une petite idée autour de ça, là. Ouais, donc l'abominable en résumé, c'est l'histoire d'un jeune Yeti qui atterrit dans une forêt du jour au lendemain et puis qui va essayer de découvrir un peu qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il est atterri dans cette forêt-là, puis il va découvrir ses habitants du jour au lendemain, puis leur quotidien. Et puis chaque animal a un peu sa petite manie ou ses petites habitudes qui sont très humaines en même temps. Donc au fur et à mesure qu'il va parcourir la forêt, il va se mettre à se rendre compte qu'il doit en quelque sorte la sauver d'un méchant péril que je vous dévoilerai pas. Et puis donc c'est humoristique, mais en même temps extrêmement touchant. Et puis c'est vrai que comme tu le disais, ça s'adresse un peu à tout le monde, mais en même temps, il y a des personnages comme il y a des oiseaux alcooliques, où il y en a un qui va voir le psychologue, mais c'est toujours traité avec subtilité puis finesse. Oui, puis en fait, j'ai l'impression, je le mentionnais, le fait d'avoir mis le personnage central comme personnage muet avec tout le reste des animaux qui parlent, ça crée une dynamique assez particulière au récit aussi. Ouais, ben c'est toujours dans l'anthropomorphisme, c'est assez classique, mais il y a toujours une petite teinte très très moderne dans la manière dont Carl écrit ses dialogues. Il réussit à parler des temps modernes d'une manière très fine puis très drôle, sans jamais être moralisateur aussi. C'est pas comme c'est pas les contes de La Fontaine. Et tout ça avec un trait qui est précis aussi, qui est minutieux. Je veux dire, il y a un beau travail côté dessin aussi là. Ouais, ben c'est ça qui nous a attiré aussi là, dans cet album là. C'est toujours très régulier, très maîtrisé. Je pense que pour Carl, c'était aussi un exercice de style là, de pouvoir dessiner. à la campagne, donc il y avait déjà un amour assez fort pour les animaux. Puis je pense que c'était une volonté de sa part de vouloir maîtriser à fond la biologie puis l'anatomie de n'importe quel animal. Surtout, en fait, tu parlais aussi de la parenté entre certains des projets que vous développez et le comics américain. Je pense que Kerschel s'était illustré notamment avec Superman pour DC Comics. Donc, c'est ouais. Quand même, ça montre aussi, j'ai l'impression, la versatilité de sa plume qui puisse faire quelque chose comme l'Abominable et des comics mm-hmm. plus classiques dans la facture dessinée. Oui, c'est lui qui a travaillé aussi sur l'adaptation d'Assassin's Creed qu'on mm-hmm. a faite pour Ubisoft. Donc, il n'y a pas du tout d'animaux là-dedans. C'est vraiment des assassins qui se battent contre des Templiers. Mais je pense que pour lui aussi, c'était une sorte de bouffée d'air frais, de plonger dans l'univers de Charles Christopher à chaque mercredi. C'est encore le cas, d'ailleurs. Là, à chaque mercredi, il fait une page de bande dessinée. Puis ça va continuer jusqu'à ce qu'il y ait l'équivalent de 3 volumes en tout. Et on peut retrouver le comic en version web sur son site à lui, en fait, en cherchant Abominable Charles Christopher. Je pense que c'est le premier qui ressort sur Kimik.com aussi en version française. Tout à fait. Et d'ailleurs, je me demandais, en fait, est-ce que entre la mission d'édition de Studio Lunac, donc c'est cet ajout-là que vous ajoutez à votre arc, à votre carquois de flèche, mm-hmm. Est-ce que il y aura une certaine parenté entre l'édition et Kimik.com? Est-ce qu'on va beaucoup axer sur les BD qui ont été publiés là-dessus, auxquels on va donner une dimension papier, ou on va essayer de développer aussi des produits papier exclusifs? On va faire un peu des deux. Je te dirais principalement de la transposition de ce qui est publié sur le web en papier. Mais cette année, par exemple, on va traduire aussi les 3 courts récits de Becky Cloonan en français. Donc, Becky Cloonan qui a travaillé pour... qui a fait Conan le Barbare, qui a fait Demo, qui travaille sur Killjoy en ce moment aux États-Unis, a auto-publié depuis 3-4 ans des courts récits un peu gothiques, un peu romantiques, qui sont très beaux, qui ont gagné eux aussi des Eisner. Donc notre but, c'est d'offrir pour la première fois une anthologie de ces 3 courts récits-là en français. Donc ça, c'est pas du webcomic. C'est vraiment nous qui avons qui travaillons avec elle au studio depuis un an. On a vraiment aimé ce qu'elle faisait, donc on lui a offert, puis elle a accepté. Et tout ça, est-ce que aussi au niveau format, on va essayer de garder un peu ce format de livre qui est un peu à mi-chemin entre le format habituel franco-belge et le format plus comics, un peu plus petit, un peu plus allongé? L'édition de Becky va être environ 6 par 9, donc plus format paysage. Uh-huh. L'album de Carl est plus un format à l'italienne, mais on veut respecter l'œuvre en partant. Okay. Donc nos formats vont un peu différer là, tout dépendamment du format avec lequel l'artiste a travaillé, parce que pour nous c'est important que l'artiste soit vraiment satisfait du livre qui sort de son travail. Alors ben, on suivra ça avec attention, et d'ici là, évidemment, les gens peuvent mettre la main sur l'Abominable, peuvent aller voir un peu sur le web si ça leur plaît, puis mettre la main en version papier aussi, tout est possible. Oui. Alors, Gauthier Langevin, donc vice-président du studio Lunac, merci. Merci beaucoup, Raymond. Puis à la prochaine. À la prochaine. Alors voilà, donc, l'Abominable Charles Christopher de Carl Kerschel, qui est, je le rappelle, le premier titre qui a été édité l'automne dernier, donc du côté du studio Lunac. Et tout à l'heure, je vous avais mentionné qu'on porterait quelques regards sur les coups de cœur BD 2013, alors qu'on entendait donc Knife City tirer leur album éponyme, ça c'était la pièce Bread. Et j'aurais envie de commencer un peu le segment coup de cœur de l'émission d'aujourd'hui par les miens. Alors, j'ai choisi, finalement, après réflexion, d'axer entièrement mes coups de cœur sur la production québécoise pour 2013. J'ai retenu 5 titres et je me suis dit, en fait, comme les collègues avaient déjà fait une belle sélection des titres internationaux surveillés, ben, j'allais offrir ce petit complément-là parce qu'il s'est fait des très, très beaux albums dans la production d'ici. La production d'ici, mais j'entends des auteurs qui habitent ici, qui ont dessiné ou qui ont scénarisé des albums. Alors, je commencerai peut-être par trois mentions honorables. Premièrement, fait Nevada, la première partie de Xavier Hardy, Fabien Dreuil et Simon Leclerc, ça c'est chez Glénat. Un premier tome qui était bien prometteur à l'ambiance western actualisée, une montée dramatique vraiment forte vers une explosion qu'on attend malheureusement encore et de ce que j'en ai compris qu'on entendra toujours. Une première lancée qui valait le coup d'œil, mais il n'y aura pas la deuxième partie, bon, pour des raisons d'édition, mais j'avais envie quand même de souligner que ces gars-là ont offert en fait une très très belle lancé un très bel album assez surprenant qui m'a... En fait, j'étais vraiment content d'être tombé là-dessus au fil de l'année. Deuxième mention honorable à Julie Doucet, réédition de Fantastic Plot à l'ouate de Cravanne, réédition solide des planches qu'elle a produites à la fin des années 80 au début des années 90, des planches enfin incontournables pour amateurs de BD, incontournables pour amateurs de BD qui n'est pas décontenancé par le contenu peut-être un peu plus trash de cet album-là. Une occasion aussi de découvrir que le style de ces albums a vraiment bien vieilli et qu'elle avait un style affirmé dès le départ. Et troisième mention honorable à L'Amérique ou Le Disparu de Réal Godbout chez La Pastèque, une adaptation efficace de ce récit inachevé de Kafka que nous avait offert Godbout en début d'année, un très précis, un très fin, un dessin classique détaillé, un récit que si entre tragique et comique, absurde, initiatique, bref, ça vaut le détour. Alors ça, c'est mes trois mentions honorables. Et maintenant, je passe à mes cinq coups de cœur. En fait, j'y vais vraiment dans le désordre. En fait, je voulais pas faire de palmarès précis. C'est toujours une question de style, de préférence et le reste. Et c'est des albums quand même assez variés côté style, côté univers. Commence avec peut-être un récit un peu plus à saveur intellectuelle, humoristique, absurde. Poulet Gringrin d'Alexandre Fontaine-Rousseau et François Sanson Dunlop à La Mauvaise Tête. Alors, ce récit donc dans lequel des intellectuels prennent le chemin de la campagne pour aller y élever des poulets. Après Pinkerton, c'est une nouvelle virée réussie des deux auteurs du duo vers le discursisme, vers le pseudo-intellectualisme. C'est un livre qui est volubile, que j'ai apprécié justement pour ses échanges, pour ses dialogues, pour ses chartes, pour ses graphiques, pour ses argumentaires improbables, pour ses discours absurdes et enflammés. Une BD vraiment empreinte d'ironie et d'humour qui en vient à être une critique assez savoureuse des réflexions de certains bien-pensants. Un récit qui m'a fait sourire, qui m'a fait rire. Je le mentionne également. Alors ça, c'est mon premier titre. Mon deuxième titre, j'irai avec Non-Aventure de Jimmy Beaulieu, donc chez Mécanique Générale, pour amorcer le retour en selle des éditions Mécanique Générale. Ben, on a proposé donc ce titre, cette brique, aurais-je envie de dire. Non-Aventure planche à la première personne. L'amalgame, en fait, des récits autobiographiques édités dans le passé chez Mécanique Générale, des récits de Jimmy Beaulieu, auquel est venu se greffer un appendice composé de quelques nouvelles planches. Si on ne connaît pas l'univers de Jimmy, si on ne connaît pas son apport à cette tangente autobiographique qui s'est développée ici comme ailleurs, eh bien, ça vaut le coup de mettre la main là-dessus si on apprécie évidemment le style autobiographique. Pour moi, l'ouvrage s'est rapidement imposé comme un incontournable de 2013. J'avais pas lu tous ces trucs du début des années 2000, alors ça m'a fait plaisir de découvrir ce regard introspectif sur la vie, sur l'amour, sur la BD, les plaisirs, les tristesses, les joies, les peines de l'existence, bref, un peu tout ce qui compose la vie dans son quotidien. Donc c'est de l'autobiographique efficace, maîtrisé, rythmé. Ça amène le lecteur à plonger plein pied dans l'intimité de l'auteur pour y nourrir sa propre réflexion, puisque c'est un peu pour ça aussi qu'on aime bien l'autobiographique. Autre sélection, les deuxièmes de Zviane chez Pow Pow. J'ai perçu un brin dans la veine peut-être de son apnée qu'elle avait faire en 2011, toujours chez Pow Pow. Donc une BD vraiment tout en silence, tout en ambiance. Une BD sur l'intimité, sur fond d'orage et de grisaille, des planches au fil desquelles on sent la pluie qui tapote sur les fenêtres. Desquels lequel on sent aussi l'aise et le malaise qui émanent de ces deux protagonistes dans ce huis clos. Donc, sur fond de musique, comme à l'habitude, sur fond de sexe aussi, petite addition au répertoire de Zviane, un regard qui est nécessaire pour bien saisir la nature de la relation entre l'homme et la femme qui occupe ce récit. Une création, donc, vraiment tout en équilibre avec le trait de Zviane qui s'affine album après album. Vraiment, je m'étais dit, est-ce un tour de force? Ben, j'irais pas nécessairement jusque-là, mais c'est un album qui est très, très réussi, qui s'en rapproche. Sinon, La colère de Fantômas, premier tome, Le bois de justice, Julie Rochelot de Montréal au dessin avec le français Olivier Boquet au scénario, donc renaissance chez Dargaud du personnage de Fantômas, un personnage qui est un peu plus méconnu ici, très connu là-bas. Personnellement, je ne m'attendais à rien, j'avais même oublié que cette BD-là arrivait et j'ai pris la BD, j'ai regardé la couverture, j'ai regardé les premières planches et j'ai été littéralement happé. Happé par quoi? Par le dessin de Julie Rochelot qui est absolument superbe. Des couleurs fortes, des couleurs saturées, des rouges, des noirs, des bleus, un dessin qui est surréaliste, qui est ambiant, qui est glauque, qui campe superbement l'univers de cet album-là. Là, vraiment, c'est un peu cauchemardesque. C'est, comme je le disais, un peu surréaliste, c'est très particulier, c'est très beau, et c'est ce qui donne toute la couleur aussi à ce récit, qui est bien scénarisé, qui est une histoire directe, efficace, en fait, du moins pour le premier tome. On espère que ce sera la même chose pour les autres, mais c'est un très, très beau coup de lancement, vraiment, là, donc pour cet anti-héros. Et enfin, autre coup de lancement que j'ai beaucoup apprécié cette année, c'est la série Promise, le tome 1 qui nous est arrivé, le livre des derniers jours avec dessin de Michael, auteur de Québec, scénario de Thierry Lamy de France. Je connaissais surtout Michael pour son travail sur des séries jeunesse, il y avait des couleurs vibrantes, des couleurs ensoleillées. De dire qu'il a simplement réinventé son style graphique pour Promise, mais c'est un euphémisme, un huis clos sur fond de deuil, de sentiments coupables, de possession, dans lequel Michael offre un très sombre empreint de grisaille qui vient définir, accentuer l'ambiance proposée par un scénario qui est dense, qui est dynamique, qui est intriguant. Vraiment des beaux ingrédients qui sont placés au fil de ce départ-là. Encore là, comme pour Fantômas, c'est comme ça l'aurait été pour Nevada. Ces trois coups de lancement desquels j'avais vraiment envie de voir la suite, j'aurai l'occasion de la voir pour deux de ces trois, ce qui est quand même pas si mal. Alors, et c'est ces titres-là qui composent donc mes coups de cœur pour 2013, donc Poulet Gringrin d'Alexandre Fontaine-Rousseau et François Sanson, Dunlop, Non-Aventure de Jimmy Beaulieu, Les Deuxièmes de Zviane, La Colère de Fantômas, tome 1, Le Boîte de Justice de Julie Rochelot et Olivier Boquet, et Promise, tome 1, Le Livre des Derniers Jours de Michael et Thierry Lamy. Si vous voulez vous rappeler des titres, eh bien, on les mettra évidemment sur le blog WordPress, laviebd.wordpress.com. Ce sera la même chose pour les coups de cœur de Stéphane Gravel tout à l'heure. Et si vous avez envie de lire précisément en fait, l'argumentaire que je viens de vous étayer, eh bien, c'est possible de le faire également sur mon blog personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de CKRL, c'est La Vie en BD. Les vendredis, on se fait plaisir à Télé-Québec. Pis Jean-Philippe, en forme? Ouais, mais pas autant que les deux nouveaux là-bas, là, qui font le cinéma. Les gars des vues? Ouais. Deux pros habitués de faire leur show. Ouais. Concentre-toi donc, là. Hey, pourquoi j'ai l'impression que je suis le seul à suivre, moi, là? T'as voulu te passer toutes les recettes de la distasio pendant les fêtes? Ben, souffre. Ouais, merci pour le soutien, papa. Hey, deux hommes en or, mon œil. Ah ouais, plus vite. Les vendredis, tous les plaisirs sont permis. Avec Les gars des vues, à la distasio et deux hommes en or qui reçoivent Danny Turcotte. À Télé-Québec, ce soir, dès 19h30. La Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste est heureuse de s'associer à CKRL en tant que partenaire fidèle. Depuis plus de 100 ans, la plus grande des petites quincailleries s'implique dans sa communauté en offrant des produits adaptés aux besoins des gens qui résident au cœur du centre-ville. Que ce soit pour des produits en plomberie, électricité, la taille de vos clés ou la coupe de bois, ou pour toute la gamme de couleurs pour vos besoins en peinture de marque Sico et Rona, la Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste sous l'enseigne du marchand Rona est ouverte 7 jours pour vous servir. 298 rue d'Aiguillon, 88 525 5212. Devenez notre ami Facebook. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Centre de yoga de Québec, 1355 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Wow! La croche-oreille est enfin de retour! Tous les dimanches à 21h, Jean-Pierre Gay et Gaétan Gosselin explorent l'univers fascinant de l'art audio. Aiguisez vos oreilles, ça va chauffer dans l'ouïe, ça va blirer dans l'ess. L'Avatar est à bord sur les routes de l'art sonore et nulle part ailleurs que sur les ondes sans frontières de CKRL. Oui, bon, Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et tel que mentionné, on poursuit un peu dans cette veine de coup de cœur après que je vous ai partagé les miens. On porte un regard sur ceux de notre collaborateur régulier, Stéphane Gravel, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ben, bonne année, en fait. C'est vrai? Oui, ben, en fait, je pense que c'est la première fois qu'on se parle depuis l'an dernier. Ouh! Quand même. Ouais. Eh bien, je te la renvoie. Merci. Et Stéphane, en fait, je demande un peu à tous ceux que je reçois pour les coups de cœur, est-ce que 2013 a été une bonne année BD pour toi? Écoute, je pense que non. Oh. Oui et non, c'est-à-dire que quand je me suis mis... La mémoire est courte, hein, là, la mémoire courte, j'essayais de trouver mes coups de cœur, j'essayais de revenir en janvier dernier, là, pour essayer de me souvenir qu'est-ce qui m'avait touché, tout ça, puis j'étais pas capable de me refaire une idée dans la tête de sur quelle BD j'étais tombé en amour, en fin de compte, cette année. C'est une bonne année BD, c'est sûr, mais je sais pas si c'est une grande année... Je sais pas si c'est une grande année BD. Il me semble que l'année d'avant, il y avait eu plus de choses. Je sais pas. J'ai l'impression que le premier coup de cœur que j'ai eu cette année, ça avait été la BD très très commerciale et très grand public, le dernier tome des Nombris, que je trouvais qu'il amenait un vent de fraîcheur, puis qu'il amenait qui revoyait leur scénario, qui revoyait le personnage. Puis je trouvais qu'il avait fait une espèce de polar avec leur BD. Qui était très de gag et peut-être pour jeunesse, et je trouvais qu'ils étaient en train de transformer leur truc, puis j'ai trouvé que c'était peut-être le premier coup de cœur dont je me souvenais, mais qui n'était pas non plus un coup de cœur à tout casser. C'était pas une révélation. Ouais. Puis quand t'as creusé, en fait, Stéphane, ça t'a amené notamment deux fois vers le Japon dans tes coups de cœur, en fait notamment chez Cornelius, édition de La Vie de Mizuki 2 de Shigeru Mizuki. Écoute, oui, c'est vrai, je suis allé dans le manga, puis pourtant, je suis allé au Japon, puis j'y vais pas souvent. Mizuki, là, c'est la vie de Mizuki, il y a le tome 1 et le tome 2, bien sûr. Et je pense que le tome 1 était paru en début d'année, sinon il était paru à la fin de l'année dernière. Le tome 2 est paru ce printemps, là, cet automne à Québec. C'est une BD extraordinaire parce que on suit la vie d'un homme qui s'intéresse à la bande dessinée, mais on passe à travers l'histoire du Japon de façon extrêmement intéressante. C'est quelqu'un qui sait raconter, puis qui sait raconter avec une forme de détachement qui rend le truc un peu humoristique, mais en même temps, il a un esprit critique qui est très fort. C'est lui qui avait fait la BD que j'avais beaucoup aimé aussi sur Hitler. Oui, oui, oui. Où il y avait eu un regard qui était un regard japonais sur l'Europe et sur cette tragédie-là. Puis je trouvais qu'il faisait pas son regard est pas teinté d'amertume ou est pas teinté de parti pris ou de l'obligation de détester le personnage, mais vraiment tu sens que il y a un regard qui était très détaché sur le personnage. Et encore une fois, là, c'est ce regard-là, ce regard d'enfant dans le tome 1 et le regard du garçon dans le tome 2 jusqu'à l'adulte qui est vraiment extraordinaire parce que on connaît pas le Japon. Le Japon est quand même passé à travers les guerres. Il y a eu ça a brassé pas mal dans ce pays-là. Il raconte toute cette histoire-là. Il raconte lui comment il était là-dedans, comment étaient perçus les Américains aussi qui étaient au Japon, comment ça a bouleversé les villages, les gens qui ont été obligés de se déplacer. C'est vraiment extraordinaire. Et Stéphane, c'est intéressant le fait justement que tu nous amènes, tu nous dis, regarde, c'est un regard japonais sur une réalité qui est peut-être plus européenne, plus américaine, du moins dans le cas d'Hitler que tu mentionnais tout à l'heure. C'est un peu le cas aussi avec ton autre sélection japonaise, qui est Kezare de Fuyumi Soryo, qui porte un regard sur la Rome antique. Quelle drôle de patente. Mm-hmm. Écoute, je fouillais dans les rayons à un moment donné. Un ami m'avait demandé, j'aurais le goût de lire un manga, mais je sais pas quoi lire. Puis il dit, j'ai pas le goût de voir des têtes se faire arracher. Puis j'ai pas le goût non plus de voir des jeunes filles avec des grands yeux tristes et la mini-jupe la plus courte possible. Donc, quand tu vas pas dans l'espèce de héroïque fantasy manga classique, là, il reste plus grand chose quand même. Hein? Mm-hmm. C'est difficile le manga, je trouve. En tout cas pour moi. Et là, je suis tombé là-dessus, Césaré, qui est l'histoire de César Borgia. Et puis là, j'ai deux tomes de lui, il y en a cinq de sortie. J'ai embarqué là-dedans, mais c'est tellement intéressant, c'est tellement bien raconté. J'ai l'impression que c'est vrai, qu'il y a une grosse recherche historique là-dedans pour essayer de comprendre le personnage de César Borgia, mais un peu comme la série Les Borgia peut le faire là à la télé, c'est-à-dire que oui, les Borgia dans l'imaginaire collectif, c'est les meilleurs méchants, c'est ceux-là qui ont fait les plus belles orgies, c'est ceux qui ont le plus trompé le peuple, ça a été probablement le pire pape, et ainsi de suite. Mais là, cette série-là, on prend le jeune Borgia dès son jeune âge, on le prend à l'école, son père n'est pas encore pape, on voit ses relations, on voit comment il bâtit son intelligence, entre guillemets, politique, parce qu'il en a une, hein. Faut pas oublier que le prince de Machiavel, c'est César Borgia. Mm-hmm. Et puis là, on embarque dans une histoire d'un personnage qui est extrêmement fascinant. Et étant donné que c'est bien fait, c'est facile de nous mettre les lunettes de l'époque, mais c'est facile. C'est qu'en plaçant le personnage dans son époque et en voyant l'époque dans laquelle vit ce personnage-là, parce que c'est bien raconté aussi, on peut comprendre certains gestes, on peut comprendre certaines tendances, on peut comprendre pourquoi il est ce qu'il est, puis qu'il est devenu ce qu'il est devenu, mais j'ai hâte de lire la suite. Je crois que c'est en 8 volumes, là, j'en ai 2 de fait, et c'est vraiment... J'ai vraiment trouvé ça super bon. C'est bien dessiné en plus. Et Stéphane, pour les 4 autres titres de tes coups de cœur, comme le temps file, en fait, il nous reste justement à peu près 4 minutes. Ce que je te propose, en fait, il y a des titres qui, cette année, j'ai l'impression, font l'unanimité. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Et je voudrais simplement avoir les impressions, enfin, en quelques phrases. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, de ton côté, à les intégrer dans tes coups de cœur pour cette année? Et je commencerai par Mauvais genre de Chloé Cruchaudet chez Futuropolis. C'est juste bon, c'est une histoire intéressante, c'est une histoire qui est extrêmement bien racontée, l'histoire de cet homme-là là qui doit, à fin de compte, changer de peau et devenir une femme pour une période déterminée afin de pouvoir se sortir de la guerre. Et puis c'est son tout le problème qu'il a aussi à réintégrer sa entre guillemets malitude au retour de l'amnistie. Écoute, c'est juste parce que c'est tellement bien raconté, on croit tellement au personnage, c'est écrit et c'est dessiné avec une douceur touchante et remarquable. Moi, c'est pour ça que cette BD-là m'a touché. Là. Le tome 6 de Julius Corentin à Kefak, Le décalage de Marc-Antoine Mathieu chez Delcourt. Ben là, écoute, c'est plus une BD, c'est un essai sur la bande dessinée, c'est un essai sur le récit narratif, c'est d'une intelligence remarquable et exceptionnelle, cette bande dessinée-là. Moi, j'aime Julius Corentin. Je l'ai aimé, je dirais. J'ai lâché prise parce que je trouvais qu'il... peut-être qu'à un moment donné, ça devenait un petit peu ronflant, on tournait en rond. C'est beau de vouloir intellectualiser chacun des mots et faire de l'espèce de rhétorique iconographique. Et là, ben, je m'amuse un peu comme lui. Mais avec le décalage, là, c'est vraiment l'essence du récit. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la réflexion sur l'absence de héros et la réflexion sur le vide. Donc, c'est une BD que j'ai lue en apprenant des choses. Et c'est une BD aussi sur laquelle j'ai réfléchi sur des choses et tout ça en me faisant rire. Donc, bravo. Le chien qui louche d'Étienne Davodeau chez Futuropolis. J'aime Davodeau, donc j'ai toujours l'impression que que malgré l'amour que j'ai pour lui, qu'il risque de s'épuiser, parce que je trouve qu'il fait beaucoup de choses, puis je trouve que ses dernières BD étaient tellement fortes que je me demande comment il peut se renouveler. Avec Le Chien qui louche, il fait une BD qui est une commande, en fin de compte. On doit parler du Louvre, il cherche une histoire pour parler du Louvre, mais c'est la richesse de son scénario qu'il a trouvé pour pouvoir faire son mandat, si on veut. Et c'est la façon dont aussi il réfléchit sur l'art populaire, et qu'est-ce que c'est que l'art, et pourquoi quelque chose irait au Louvre, quelque chose n'irait pas. Et ça, j'ai trouvé ça charmant, parce que c'est quand même une réflexion sur aussi l'auteur de bande dessinée, qui est auteur de bande dessinée, qui est anecdotique, et quelle est la distinction entre les deux, et pourquoi un aurait plus de valeur qu'un autre. Et en 30 secondes, Stéphane Gravel, Tyler Cross de Bruno et Fabien Nuri chez Dargo. Je voulais pas dire ça, mais je vais le dire. C'est un film, on embarque là-dedans, un polar, haut en couleur, haut en forme, haut en action, avec des dialogues qui sont percutants, et puis des personnages qu'on aime et qu'on a le goût de revoir. Voilà. Alors, je rappelle aux auditeurs ta sélection. On a mentionné Les Nombris, tome 6, La vie de Mizuki, tome 2, Mauvais genre de Chloé Cruchaudet, Julius Corentin, Artefaxis, Le décalage de Marc-Antoine Mathieu, Le chien qui louche d'Étienne Davodeau, Kézaré de Fuyumi Sorio et Tyler Cross de Bruno et Fabien Nuri. Stéphane Gravel, nous on se dit à très bientôt. Pas super comme année dans le fond. Non, c'est quand même, ça a du sens. Salut bien. Je te remercie, au revoir. Au revoir. Voilà, nous, on repart en musique. Dernier extrait qu'on entend aujourd'hui de la formation Knife City. On écoute un extrait qui s'appelle Just Trash. Alors, toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1. Raymond Poirier toujours avec vous, évidemment. Et on n'est pas en mesure pour l'instant de rejoindre donc Louis Rastelli de Distroboto, avec qui on avait rendez-vous. Alors, on verra si on sera en mesure de lui parler un peu plus tard aujourd'hui. Sinon, je voulais mentionner au passage, toujours l'Association des critiques de bande dessinée, la CBD, qui sort ses rapports annuels. Et il s'agit d'évaluer, évidemment, la production bande dessinée, d'essayer de sortir certains constats autour de la production BD au fil de l'année. Et notamment, ce qui ressort de leur analyse pour 2013, c'est que la production d'albums BD aurait diminué de 7,3% avec 5169 livres qui ont été publiés l'an dernier, dont 3882 nouveautés. C'est quand même pas rien, évidemment, mais c'est un peu moins donc que l'année précédente. Alors, ce qu'on dit, et je cite, c'est que dans un contexte économique et social complexe et morose, les différents acteurs du 9e art ralentissent un tant soit peu pour leur offre éditoriale. Donc, pour la première fois en au moins 17 ans, la production d'albums de bande dessinée, qui reste pourtant encore très abondante et diversifiée, a donc diminué. Arrivé à maturité depuis plusieurs années, le secteur du livre du 9e art se concentre, en fait, et trouve quand même un équilibre entre dynamisme et vigilance, ou innovation et prudence. D'autant plus facilement qu'il s'appuie sur plusieurs locomotives traditionnelles qui sont de retour avec Astérix en tête. Alors, avec une production qui est en recul, ce qu'on dit, c'est qu'évidemment, l'économie qui est associée au 9e art, parce qu'on évalue le marché, évidemment, on n'évalue pas la qualité de la production, mais que, donc, l'économie du 9e art régresse légèrement, toujours selon l'ACBD. Alors, d'après Livre Hebdo I+C, donc, les ventes se tassent de près de 2% sur les 9 premiers mois de 2013. C'est, cela dit, un peu moins que la plupart des autres secteurs éditoriaux, mais un peu plus que jeunesse, le poche, le parascolaire, qui, eux, se maintiennent peut-être un peu mieux que la BD. On parle ici de la France principalement, alors de la Belgique aussi. Et ceci donc alors que l'ensemble du marché du livre régresse de 1 à 1,5% en euros courants. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir évidemment attendre quelques mois encore pour vraiment déterminer de manière claire, nette et précise le bilan de 2013. Surtout qu'on se rappelle, on en a parlé un peu ici à l'avant BD, à la fin de l'année dernière, eh ben il y a Astérix qui est arrivé. Alors est-ce que ça a pu changer peut-être aussi les chiffres, puisqu'on parle quand même de 2 millions de copies qui avaient été lancées avec cet album traduit en à peu près quoi 26 langues. Alors c'est quand même immense. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que sur les 3882 nouveautés, eh ben il y a seulement, sur ce total-là, 117 titres qui, eux, ont été tirés à plus de 50 000 exemplaires. Alors, on parle de titres comme Astérix, comme Blake et Mortimer, comme Le Chat, la série Walking Dead, Naruto, Les Nombris, donc quelques titres comme ça qui ont dominé un peu les ventes et autour desquels se retrouve peut-être l'essentiel de la grosse promotion BD et l'essentiel des ventes aussi, de manière générale en ce qui concerne la bande dessinée. Et autre tendance à observer, si on reste dans les pourcentages, c'est qu'il y aurait donc à peu près 40% des nouveautés qui sont des BD traditionnelles de type franco-belge. Donc, on parle ici de la BD francophone, évidemment. Donc, si on aurait des chiffres au Japon ou aux États-Unis, ce serait évidemment autre chose. Si on aurait les chiffres au Canada, ce serait évidemment autre chose. Mais pour donc l'Europe, ça tourne beaucoup autour de la BD traditionnelle. Par contre, il y a un pourcentage équivalent, voire même un peu supérieur, donc 40,7%, qui est lié à la mouvance manga. Donc, qui s'impose en Europe comme ailleurs. Les comics américains sont autour de 10,5%. Et pour ce qui est des romans graphiques, livres expérimentaux, donc les objets un peu plus hors catégorie traditionnelle, eh bien, eux tournent aussi autour de 10%. Donc, autre élément qui est intéressant d'observer, c'est qu'on voit un nombre grandissant de BD adaptés pour le grand écran. Donc, les cinémas, les cinéastes d'ici comme ailleurs, donc, qui voient là un matériel intéressant. On parle de 10 adaptations en 2013, ce qui est quand même pas rien. Il y en a d'autres qui s'en viennent d'ailleurs au fil de cette année. On peut penser à Lulu Femme Nue, on peut penser à Quai d'Orsay, qui vont sortir ce printemps au Québec. On parle aussi d'initiatives toujours marginales d'amener la bande dessinée vers le marché numérique, avec une offre légale payante qui dépasse à peine donc les 7500 titres. Des plateformes qui ne réussissent pas pour l'instant donc à amener les gens vers la bande dessinée, du moins vers le numérique pour lire de la bande dessinée. Donc il y a quand même un attachement à l'objet qui semble encore très fort chez les lecteurs de bande dessinée, ou peut-être le fait que en termes de numérique on n'a pas réussi à reproduire ou à bonifier suffisamment l'expérience pour amener les gens à passer ailleurs. Évidemment, il y a quand même à ça, il faut pas l'oublier, une production qui est pas calculée, puisqu'on y voit beaucoup avec l'offre payante dans ce rapport, mais avec toute la production indépendante, la production libre. On parlait de Kimik.com en début d'émission, on peut penser à tous ces blogs BD qui pullulent. Alors, il y a aussi cet angle-là qu'il faut garder en tête. On parle aussi de la présence grandissante d'événements liés à la BD présentant en sol européen. Ils ont à peu près quoi 514 événements, salons, festivals et autres. En 2013, il y en avait 489 en 2012. Il mentionne aussi qu'il y a quand même pas mal de sites spécialisés consacrés à la BD. Il y a 13 revues papier, 32 sites web seulement en Europe. Et selon eux, ce chiffre-là prouve l'insatiable intérêt du lectorat envers l'information, l'histoire et la critique de bandes dessinées. Alors, c'est quand même assez intéressant. Évidemment, le rapport complet qui comporte moult pages, eh bien, vous pouvez le trouver sur le web, sur le site de l'ACBD. J'ai mis également quelques faits saillants sur mon blog, voir.ca/Raymond-Poirier. Alors, on repart et on se bonifie avec un extrait additionnel, tiens, de Knife City. Alors, on écoute donc toujours un extrait de cet album éponyme qu'on trouve également sur le web. Et dernière ligne droite pour cette édition de La Vie en BD. J'en profite pour faire un peu de rattrapage, tiens, autour d'un titre dont je voulais vous parler, L'été des Bagnoles. Donc, BD qui est arrivé l'automne dernier, en fait proposé par Ça et Là, qui nous amène donc dans la vie d'un duo, d'une mère et d'un fils qui ne connectent pas énormément au départ, en fait, qui ne réussissent pas à nouer de rapports un peu plus intimes et qui se retrouvent un peu obligés de passer l'été ensemble. En fait, le fils qui devait aller passer l'été avec son père, malheureusement, ne pourra pas puisque celui-ci décide à la dernière minute de canceller les vacances. Alors, ben, ce qui se passe, c'est qu'il se retrouve donc à passer l'été avec sa mère, à son grand dame, évidemment, et au fil de l'été, ben il y a des tentatives un peu plus maladroites peut-être de renouer ce lien, peut-être un peu sans conviction au départ, peut-être avec un peu plus de conviction en cours de route, mais essentiellement, on constate, et eux constatent aussi, qu'ils sont devenus peut-être un peu deux étrangers l'un pour l'autre, qui sont condamnés à prolonger au fil de l'été, donc ce qu'ils font habituellement au fil de l'année. Et à travers cet album-là, Geoff Winterhart réussit à croquer l'ennui. Et ça, j'ai l'impression, je trouve en fait personnellement que c'est pas facile de raconter de manière intéressante un album au bout du compte qui porte un peu sur le malaise, sur le mal-être et surtout sur l'ennui, sur le rien, sur tout ce que l'ennui draine dans le fond, dans son sillage. Et Winterhart réalise quand même assez bien avec cet album-là, son premier d'ailleurs, donc pour en faire une bande dessinée qui est de manière générale assez prenante. Enfin, on est un peu alambiqué au début, on plonge, on découvre un peu ces personnages, on découvre un peu leur situation, on est intrigué, on suit, et finalement ça coule très très bien. Organisation en chapitre d'un par semaine, donc qui nous permet aussi de bien prendre état du temps qui passe, du temps qui file, donc encore là une structure assez pertinente, et tout ça à l'intérieur aussi avec au fil des semaines des courtes histoires avec un peu format strip, donc dans lesquelles on raconte, comme dans d'autres albums, évidemment, c'est rien de nouveau, une grande histoire, où on va développer après ça des courtes histoires au fil des cases, au fil des pages. Alors, c'est intéressant, donc, avec un propos qui varie dans le ton aussi, donc c'est des strips dans la structure, mais c'est pas des strips nécessairement dans le ton, parce qu'on se dit, mais strip égale humour. Dans ce cas-ci, oui, on se permet de l'humour, oui, on se permet de rire, jaune, gris, noir, mais aussi, on se permet du malaise, on se permet de la tristesse, donc tout n'est pas joyeux non plus. Et on ne cherche pas non plus à rendre drôle cet ennui, au même titre qu'on ne cherche pas non plus à le rendre tragique. Donc, il y a un équilibre aussi dans le ton qui est intéressant. Donc, des instants anodins qu'on nous propose, qui sont rendus de manière assez précise, de manière assez forte, avec un tout cohérent qui appelle à l'empathie du lecteur, qui montre une certaine empathie du dessinateur envers ces deux étrangers-là qui ont pourtant normalement un lien très fort. On se demande évidemment aussi qu'est-ce qui a fait qu'ils en sont venus là dans leur relation. Des questions sur l'existence, des questions sur la vie, la mère qui remet peut-être en question un peu son parcours, le jeune qui lui demande où il va s'en aller. Donc ça donne quelque chose d'intéressant, en fait, de manière générale, une BD que, sans nécessairement dire, en fait, il faut lire cette BD-là, je dirais, si vous cherchez quelque chose à lire alors que la lumière revient peut-être un peu au fil de des mois qui passent et des semaines qui passent, mais ça peut être un choix intéressant, donc c'est chez Ça et Là, L'été des Bagnoles de Geoff Winterhart. Alors ben voilà donc pour ce petit commentaire. Nous, ben c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, on va parler de La Guerre des rues et des maisons. Donc un essai BD de Sophie Yano. On va parler également avec Éric Pellado de Lise et Dio au tome 1. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine et passez une excellente soirée et une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.